Marche et écoute. La vision est pleine. C'est de tout entendre. H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus. Pour cette carte postale sonore, le sol est mouillé. Le vent de sud s'est levé. Une forte nébulosité lèche les crêtes environnantes. C'est un peu comme un climat tropical. De la chaleur, de l'humidité et la verdure. spectaculaire, étrange et beau à la fois. L'orage donne à ces montagnes une autre dimension. Ce qui diffère, lorsqu'il y a l'orage dans ces montagnes, c'est l'écho du tonnerre qui semble rebondir de versant en versant. Ce bruit de fond, les entrailles du ciel et de la terre, les entrailles du ciel et de la terre. Les odeurs de la forêt sont prononcées. Odeurs de cave mouillée, terre humide. Au milieu de nulle part. s'est accalmé. Un filet de pluie. La brise chaude dans les feuillages. Ici, posé au milieu d'une petite clairière, nous accueille et va nous abriter pour la nuit. Cabane des gardes. Pas loin de 1400 mètres d'altitude. Je me sèche. La cabane, c'est comme une alcôve, une bulle. Au milieu de la montagne qui gronde.

sur les murs, à l'abri. Car sur cette crête, il y a quelques arbres isolés. Et ça fait largement office de paravent. Ces rafales de vent annoncent peut-être un autre orage. Allez savoir, peut-être plus violent. Crête du Bradalbis, 1450 mètres d'altitude. En dessous de la crête semble être à la sieste des éléments qui juste au-dessus se déchaînent. Tout est contraste. Les Pyrénées, la nature, La montagne sont très riches de ces contrastes. Radio.